Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin à étudier le chapitre 7. Nous sommes rendus au verset 7. Nous, mon Père du ciel, on voit que ta parole, elle est pure, elle est sainte, elle est belle, elle est vraie. Elle conduit dans les chemins de la vie. Aide-nous, Seigneur Dieu, à comprendre ce passage. Pas toujours facile à comprendre, mais aide-nous à comprendre et de tirer les vérités que tu veux qu'on tire de ce verset. Car nous voulons te glorifier et te faire connaître justement. Amen. Depuis le chapitre 3, après avoir démontré la culpabilité de toute la race humaine, Paul est dit qu'il y a un moyen d'être justifié malgré qu'on est des pécheurs. C'est par la foi dans le sacrifice propitiatoire de Dieu. Il dit, nous croyons que l'homme est justifié par la foi seul, sans les œuvres de la loi. Et là, il démontre tranquillement pourquoi il dit ça, pourquoi il fait cette déclaration-là, qui semble forte, de dire que l'homme est justifié par la foi sans aucune œuvre. Ni de la loi, ni des religions, sans aucune œuvre morale, de bénévolat, peu importe, aucune œuvre. L'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Un, parce que notre père Abraham, qui est le père de la foi, a été sauvé par la foi, sans les œuvres de la loi. Deuxièmement, il y a eu un deuxième Adam. Le premier Adam nous a fait tomber, le deuxième Adam nous justifie. Pas besoin de loi, si on croit au deuxième Adam, si on comprend ce que le deuxième Adam a fait, par lui est entré dans le monde la vie et la justice. Pas besoin de loi. On a vu par la suite que nous sommes unis au Christ, nous faisons une même plante avec Christ, et Christ nous a fait, on est mort avec lui, et on est ressuscité avec lui, par le baptême. Et nous vivons maintenant pour Dieu. Nous sommes plus sous la loi, nous avons été affranchis de la loi à cause de notre mort avec Christ. Mais la question qui viendrait, qui est suscitée ici par notre texte de ce matin, la loi est-elle péché? Pourquoi est-ce que Dieu l'a mis là, la loi, si c'est la loi fait péché, et il faut être libéré, puis elle nous fait, pourquoi Dieu a-t-il mis la loi, si la loi nous fait péché? Ça me fait penser à moi, quand j'étais plus jeune, je me disais, pourquoi Dieu a-t-il mis un arbre dans le paradis? Et pourquoi a-t-il dit, tu n'en mangeras pas? J'accusais Dieu, je disais, Dieu est coupable, il n'aurait pas dû mettre d'arbre, il n'aurait pas dû donner ce commandement-là, donc on n'aurait pas péché. Je crois que l'apôtre Paul ici, par la grâce de Dieu, parce qu'il est inspiré de Dieu, va nous donner une explication que la loi n'est jamais mauvaise. Le commandement que Dieu avait donné à Adam et Ève était bon. Les commandements que la loi donne sont bons. On va voir ensemble comment se fait ça que la loi, elle est bonne. Lisons à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais, quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort, car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. La loi est-elle péché? La réponse est non. Je vous dis ça, là. Même si vous ne comprenez pas toutes les réponses, je vais vous donner un indice. La réponse est toujours non. Est-ce que je vais pécher pour que la grâce soit abonde? Non. Est-ce que je vais pécher parce que je ne suis pas sous la loi? Non. Est-ce que la loi est péché? Non. C'est toujours non. Donc, je dois comprendre par la suite ce que l'auteur est en train de me dire pour appuyer sa déclaration. La loi n'est pas péché. La loi n'est pas péché. Même si j'avais besoin d'être affranchi de la loi, même si c'est à cause de la loi que j'ai péché, la loi n'est pas mauvaise, n'est pas mal. Premièrement, il dit loin de là. La loi n'est pas mauvaise. Même si j'ai connu, mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit, tu ne convoiteras pas. J'ai connu le péché. Le rôle de la loi, c'était de me faire connaître le péché. Et c'est bien de me faire connaître le péché. J'ai connu le péché par la loi. Parce que quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Le péché n'existe pas s'il n'a pas de loi. C'est par la loi que j'ai connu le péché. Donc, le rôle de la loi est bon. Il me révèle le péché. Il manifeste le péché. Il fait ressortir le péché. Et il le répète d'une autre façon au verset 8. Le péché saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Donc, la loi a servi à me faire connaître le péché. Donc, elle est bonne. Elle est bonne. Elle me fait connaître le péché. Elle m'invite pas au péché. Elle ne dit pas de péché. Elle n'est pas la cause de mon péché, mais elle révèle le péché. Sans elle, j'aurais pas connu le péché. Verset 9, il dit, « Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. » Très, très difficile ce petit verset-là. J'ai lu tout ce que je pouvais lire sur le verset 9. C'est pas tout le monde, loin de là, qui est d'accord avec quel est le sens de ce verset-là. Le « moi », ici, Paul, qui dit, « Pour moi », moi, sais-tu, moi, la race humaine, moi, le peuple juif, moi, Paul, en tant qu'individu, pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. Mais ici, il dit que le péché a repris vie, qui est mort. Il me semble qu'on a vu depuis le début. Tout le monde sont morts, on est tous morts en Adam. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, là? Je vais vous donner mon interprétation. Je la donne avec toute limite, là. C'est ma compréhension pour le moment que je trouve la meilleure. Si vous en avez une meilleure, si vous comprenez mieux, si vous pensez mieux, si vous avez une explication qui m'aiderait, je vous en prie, écrivez-moi, dites-la moi, et je ferai une vidéo pour me rétracter. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais on a vu, selon les premiers chapitres, que tout le monde était mort. Donc, de quoi il parle ici? J'essaie de voir ce que, si c'est, je crois que c'est Paul qui parle, et il parle de lui, et je crois que je peux m'associer avec lui, comme beaucoup de vous et de moi, on peut rejoindre Paul. Quand moi j'étais sans loi, je crois qu'il est en train de dire, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de loi, mais moi j'étais sans loi. Donc j'avais l'impression que je vivais. Un peu comme Paul, quand il se décrit, il décrit sa vie avant d'être sauvé, il dit, j'étais irréprochable selon la loi. J'étais plus aimé que toutes les autres. Paul était sans loi, pas parce qu'il n'y avait pas de loi, mais parce qu'ils ne comprenaient pas la loi. Ils n'utilisaient pas la loi comme il faut. Ils voyaient la loi comme un moyen de se justifier auprès de Dieu, au lieu de dire, la loi me montre que je suis pécheur. Donc, la loi ne servait à rien pour lui, parce qu'il ne la voyait pas comme une loi qui le condamnait. Il voyait plutôt un moyen de s'améliorer, de plaire à Dieu, d'avoir les bénédictions de Dieu. Mais dit, quand la loi est arrivée, le péché reprit vie. Il était là le péché, il reprit vie. Là, il a manifesté qui il était en moi. Et je mourus. Paul, selon moi, il était mort. Moi, j'étais mort. Quand, moi, là, je pensais que j'étais correct. Moi, je pensais que j'étais bien dans ce que je croyais, dans ce que je faisais, comment je vivais. C'était bien. Et j'étais correct, là. Je vivais. Mais quand le péché et la loi s'est révélé à moi en 1976, le péché s'est manifesté en moi, et je mourus dans ce sens-là, j'ai compris que j'étais mort. J'ai vu que j'étais mort. C'est la meilleure façon que je le vois ici. Parce que beaucoup de gens prennent les 10 commandements, et au lieu de se voir condamnés, se pètent les bretelles, puis ils se croient bons. La loi ne joue pas son rôle, donc ils croient qu'ils sont corrects avec Dieu. Mais quand la loi joue son rôle, le péché reprend vie, puis là, elle m'amène toutes sortes de convoitises, il me fait pécher, et là, je me vois mort. Quand la loi joue vraiment son rôle dans ma vie, son rôle de loi, le péché reprend vie et je meurs. Ainsi, verset 10, « Le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. » Parce que le commandement était pour conduire Adam et Ève dans la vie. Ne mange pas. Pas qu'il leur donnait la vie, parce qu'il était vivant. Dans le sens physique et spirituel, il était avec Dieu. Mais dans le sens que il vivait avec ça. C'était pour les garder en vie, si je peux dire comme ça. Mais quand le péché a pris l'occasion, ce qui devait m'amener à la vie, a été pour moi une occasion de mort, la loi était bonne. La loi dit, celui qui mettra en pratique ces choses vivra par elles. Donc, elle est bonne, la loi. Mais le péché, au verset 11, prend la loi et me séduit par le commandement et il me fait tomber et me fait mourir. La loi était pour protéger Adam et Ève. Satan est venu et les a séduits par le commandement. Il a utilisé le commandement. Il les a fait tomber dans le panneau et ils sont morts. Donc, il dit au verset 12, la loi est sainte. Le commandement est saint, juste et bon. La loi de Dieu est bonne et pas péché. C'est le péché qui se manifeste et qui entraîne la mort par ce qui est bon. C'est ce qu'il dit au verset 13. Ce qui est bon est-il donc été pour moi une occasion de mort? Non! C'est pas la loi qui me fait mourir. C'est le péché qui utilise la loi pour me faire mourir. Donc, la loi est bonne parce qu'elle révèle le péché. Elle me fait voir que je suis mort. Et elle manifeste la nature profonde du péché. C'est pour ça qu'il dit au verset 13, par le commandement, il devint le péché, il devint condamnable au plus haut point. Le péché révèle sa nature en utilisant ce qui est bien pour faire le mal. Dieu révèle sa nature en utilisant ce qui est mal pour faire le bien. La loi est bonne parce qu'elle vient de Dieu. Elle était là pour amener la vie. Le péché est venu et il m'a séduit et m'a fait tomber. Moi, en tant qu'être humain, si j'utilise bien la loi, je vais me voir coupable et mort, incapable de faire la loi. Mais le péché peut me séduire, le péché à l'extérieur de moi, comme le péché en moi, dans la chair, peut me séduire et me pousser à utiliser la loi ou des lois pour me valoriser, pour m'exalter, pour me comparer avec les autres. Et je pêche. La loi, au lieu de jouer son rôle de me montrer que je ne suis pas correct, de me faire comprendre le péché, de me montrer la nature du péché, elle me fait tomber. Mais elle est bonne. Elle me fait tomber par le péché qui utilise mal la loi. Donc, j'espère que ça vous aide à comprendre ce petit texte-là. Même si je n'interprète pas à 100% correct le verset 9, l'ensemble du texte est clair. La loi est bonne. Mais le péché l'a utilisé pour me faire tomber et me faire mourir. Tu ne mangeras pas de l'arbre, il était bon. Satan l'a utilisé, il me fait tomber. Tu ne tueras point, le commandement est bon. Mais le péché m'amène à utiliser le commandement pour me faire tomber. Donc, ce n'est pas la loi qui est mauvaise, la loi, elle est bonne. Elle est bonne. Elle vient de Dieu. Puis elle conduit à Dieu. La loi sert d'instrument, la Bible nous dit ailleurs, de pédagogue, pour m'emmener vers Dieu. La loi est bonne. Elle est là pour m'emmener à Dieu. Mais pour m'emmener à Dieu, elle me fait connaître le péché, elle me fait voir la mort, elle me fait réaliser la mort, elle me fait voir à quel point le péché est exécrable et qui est condamnable au plus haut point pour me conduire à la vie qui est Dieu. Donc, c'est la meilleure façon que pour moi de comprendre le texte. La loi est bonne. La loi est bonne. J'avais besoin d'être affranchi de la loi, mais elle était bonne. Je suis plus sous la loi, mais elle était bonne. Elle a joué son rôle en moi, c'est de m'amener vers Dieu. Mon bon Père du ciel, merci que par ton Esprit Saint, par ton amour et ta grâce, tu m'as fait comprendre que la loi n'était pas là pour me justifier. Elle était là pour me montrer le péché. Donc, l'homme est justifié par la foi en Jésus-Christ, sans les œuvres de la loi. Parce que la loi n'a pas été donnée pour ça. Elle a été donnée pour m'aider à comprendre que je pouvais être justifié seulement que par la foi. Merci, mon Dieu, de nous faire comprendre ça encore mieux ce matin. Tout ce qui vient de toi, c'est bon. La loi était de toi, elle était bonne. Au nom de Jésus, amen.